pour la première fois sur scène à la cave. Non, la cave, c'est le nom du... c'est le nom du bar, très connu. Cool. Jamais. Donc, pour revenir quand même, bon, c'est un sujet assez sérieux, engagé, on va dire... Tout le monde l'est, hein, on parle d'environnement partout, et en fait c'est un fait divers. Cette fois-ci c'était pas 4h du matin à la télé, c'était à 2h à la radio. Et ils ont parlé d'un poisson, alors un cendre, tenez-vous bien, qui a mordu des gens, tel un requin ou des poissons qui agressent les gens. Alors c'est tout à fait un poisson innocent normalement, et là il a vraiment envoyé des gens aux urgences. Ils ont halluciné. Et ils se sont rendus compte que, enfin, les médecins disent qu'avec les dégénérescences cellulaires provoquées par la pollution des eaux lacustres, ce genre de truc. Ben... Je t'avais dit que les films de race, ça te réussit. Et donc, pour se venger, ils ont capturé le poisson et ils ont tous mangé. Ça finit pas comme ça dans les dents de la mer. Et dégénéré, Il blesse les gens à très vite. Un monde fou est en train de se réveiller. Merci, c'était là qu'on finit avec le...